toujours protégé dans ce lieu, mon arrivée ou ma retraite. Pourquoi voiler ainsi mes yeux? Toujours même silence. Je t'en prie, ta jeune maîtresse si jolie persiste-t-elle à me cacher son ras, son nom? Quels sont-ils? Impossible de le savoir. Je n'ai pu t'arracher ce secret, il est donc terrible.